Carotte. Du vide, hein. Comment devenir stable si on détruit mes fondations? Mes pétages de cap ne sont que d'espace, une dépression. Des réactions louches, mais j'assume tout ce que je fais. Même si la mort me fauche, je partirai comme un homme fier. Ma force est faite à travers des galères que je souhaite à personne. Du regard de travers, aux otages devant ta mère en pleurs. Comme toi, j'étais un de ces jeunes à aimer, je vais partant depuis. Y'a 4 ans depuis que je me rends compte à quel point je pars en couille. Je me suis détruit volontairement, comme un inconscient. Sachant que de la naissance à l'enterrement, y'a peu de distance. J'y porte pas la morale, j'suis mal placé pour parler. Comme ça, j'suis dans ma spirale. Je laisserai plus la vie balayer. Mes réactions causaient du tort à mon entourage. C'est vrai, j'ai mis du temps à essayer de dissiper toute ma rage. Je reflète la déception d'un jeune parmi tant d'autres. Si Shaitan avait des sera, j'aurais pu être un de ses apôtres. Rate positif, comportement de gueudin sans réflexion. Les résultats, un mec nocif du 9-20 et de ses bas-fonds. Rate positif, comportement de gueudin sans réflexion. L'OSS, le 9-20 et ses bas-fonds. On a trop pleuré, nos yeux sont vides, frais, y'a plus rien. On décrit ce qu'on vit, vu qu'ici les drames se passent au pluriel. On a trop pleuré, nos yeux reflètent plus rien de rudimentaire. Si la vie nous enterre, on quittera cette terre en étant fiers. On a trop pleuré, nos yeux sont vides, frais, y'a plus rien. On décrit ce qu'on vit, vu qu'ici les drames se passent au pluriel. On a trop pleuré, nos yeux reflètent plus rien de rudimentaire. Si la vie nous enterre, on quittera cette terre en étant fiers. Mes clics, mes claques, mes fiches et le doigt, je passe plus mes soirées en boîte. Fip au rap, on est allés, ça se rouille, on les gâte. Moi je gratte, pas dans mes pattes. Bouge ta race, on n'est pas dans les bacs. Tous les mêmes, la vie, nos amis, des patates, des coups de pattes et des claques. Te fie pas à ma gueule car la vie est stressante. Tout le temps en descente, on s'en encre du ventre. Je glisse ma queue dans les fentes. Je vais casser ma rythmique. Te fie pas aux apparences car je les baisse. Bouteille dans la main, j'insulte toutes ces pétasses car je les aime. Te fie pas à ma face car les origines sont parfois trop peu. La haine en a calmé putain et on fera le bien quand on peut. J'suis parti dans ma sphère, j'ai embarqué 2-3 frères. On s'arrache 2-3 semaines et quand on vient, ça sera la même. Y'a non, c'est ma mène, qu'est-ce qu'il y a à prendre à l'instru. La rage, ça c'est un plus et tout niquer, ça c'est un but. Des trous noirs et des frayeurs, genre very bad trip. Mademoiselle, t'approche pas trop, t'es very bad gym. Moi je gratte mes pattes, Bouge ta race. Moi, je suis pas dans les bacs. Tous les mêmes, la vie, nos amis, des patates, des coups de batte et des claques. On a trop pleuré, nos yeux sont vides, frais, y'a plus rien. On décrit ce qu'on vit, vu qu'ici les drames se passent au pluriel. On a trop pleuré, nos yeux reflètent plus rien de rudimentaire. Si la vie nous enterre, on quittera cette terre en étant fiers. On a trop pleuré, nos yeux sont vides, frais, y'a plus rien. On décrit ce qu'on vit, vu qu'ici les drames se passent au pluriel. On a trop pleuré, nos yeux reflètent plus rien de rudimentaire. Si la vie nous enterre, on quittera cette terre en étant fiers. On a trop pleuré, nos yeux sont vides, frais, y'a plus rien. On décrit ce qu'on vit, vu qu'ici les drames se passent au pluriel. On a trop pleuré, nos yeux reflètent plus rien de rudimentaire. Si la vie nous enterre, on quittera cette terre en étant fiers. On a trop pleuré, nos yeux sont vides, frais, y'a plus rien. On décrit ce qu'on vit, vu qu'ici les drames se passent au pluriel. On a trop pleuré, nos yeux reflètent plus rien de rudimentaire. Si la vie nous enterre, on quittera cette terre en étant fiers.